الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on commence inshallah wa tabaraka wa ta'ala l'explication du livre Lum'atu l'i'tiqad al-hadi ila sabil al-rashad. L'explication du livre Lum'atu l'i'tiqad que l'on pourra traduire par à la lumière de la croyance. À la lumière de la croyance, c'est un livre de l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, qui a été expliqué par beaucoup de savants, et parmi ces savants al-Sheikh al-Fawzan Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidahullah ta'ala, qu'Allah le préserve, qui est encore vivant à notre époque. Donc on va expliquer inshallah, vous donner une brève biographie de al-Sheikh al-Fawzan rahimahullah ta'ala. Puis dans l'explication, Cheikh Yani va donner une biographie succincte de l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi. Quant à Cheikh al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, il s'appelle Salih ibn Fawzan ibn Abdillah. Il fait partie de la famille de al-Fawzan. Et Cheikh rahimahullah est né l'année 1354 de l'Égypte. Et il a perdu son père lorsqu'il était petit. Il a été éduqué dans une famille qui était connue par son sérieux dans les pratiques religieuses, et Cheikh rahimahullah ta'ala hafidahullah ta'ala, on peut dire rahimahullah aussi, vous savez ça qu'on peut dire rahimahullah un vivant, non, on peut dire rahimahullah un vivant, mais le mieux c'est de dire hafidahullah. Rien n'empêche de le dire rahimahullah, mais il faut comprendre dans cela que c'est une invocation de dire qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc Cheikh al-Fawzan hafidahullah ta'ala a appris le Coran lorsqu'il était petit, en bas âge, puis il a appris la lecture et l'écriture par l'imam de la mosquée de sa ville. Et Cheikh rahimahullah était déjà connu pour être un élève studieux et un élève sérieux dans son apprentissage. Puis Cheikh a suivi le cursus scolaire, a suivi le cursus scolaire de la primaire, etc. Et a étudié dans l'université de Riyad. En l'année 1377, le Cheikh al-Fawzan hafidahullah est entré dans l'université de Riyad, et il en est sorti en l'année 1381 de l'Égypte, où il a eu son magistère, un magistère qui est l'équivalent de, qui le sait, la licence. Le magistère, c'est l'équivalent de la licence, c'est un bac plus 4 dans le fiqh, puis a passé son doctorat hafidahullah ta'ala. Donc après être sorti de l'université de Riyad, Cheikh était enseignant dans Al-Ma'ahad Al-Ilmi, dans l'institut scientifique de Riyad. Puis il a été enseignant dans Kulliyat Al-Sharia, dans la faculté de la Sharia de l'université de Riyad. Puis il a été professeur dans la faculté des bases de la religion, mais dans les hauts niveaux de l'université également de Riyad. Puis il a été enseignant dans Al-Ma'ahad Al-Ali Al-Qadha, dans l'institut qui forme les juges, l'institut qui forme les juges en Arabie. Et vous savez qu'en Arabie, les juges sont connus pour être de bons juges. Et les juges d'Arabie sont connus pour être des bons juges. Puis il a été désigné comme étant le directeur de cet institut qui forme les juges. Puis Cheikh Hafidahullah a continué à enseigner dans ce ma'had. Parmi ses travaux, ou parmi les responsabilités que Cheikh Hafidahullah a, c'est qu'il fait partie de Hay'at Kibar al-Ulama. Il fait partie du comité des grands savants d'Arabie Saoudite. Et également, il fait partie de Al-Lajna Da'ima. Il fait partie de Al-Lajna Da'ima lil-Buhuth al-Ilmiyyah wal-Ifta. Al-Lajna Da'ima qui a pour charge d'étudier et d'apporter des études et de répondre aux questions des gens, et ceci dans toute la terre, à l'échelle planétaire. De même que Cheikh Imam est khatib, et il fait également khutbat al-Jumu'ah, et donne des cours dans la mosquée Al-Amir ibn Abdul Aziz Al-Saoud, dans le quartier appelé Al-Malaz à Riyad, où jusqu'à nos jours, Cheikh Hafidhahullah donne des cours, donne 4 cours par semaine dans cette mosquée, des cours qui aussi, pour ceux qui ne le savent pas, sont diffusés sur internet. En général, Cheikh donne ses cours entre Al-Maghrib et Al-Isha, en l'heure saoudienne. Actuellement, il y a une heure de décalage entre nous et l'Arabie Saoudite, mais à la fin de ce mois, le décalage sera de 2 heures. Donc pour ceux qui veulent suivre les cours de Cheikh, qu'ils donnent en direct dans cette mosquée, ils peuvent le faire via internet, notamment via le logiciel Paltalk. Via le logiciel Paltalk, et la personne peut, si elle s'y prend à l'avance, peut poser sa question à l'écrit, et cette question peut être soumise à Cheikh afin qu'il y réponde en direct. De même que Cheikh donne des cours ou est l'invité d'une émission de radio appelée Nourun ala Darb. Nourun ala Darb, qui est une émission populaire en Arabie Saoudite, que beaucoup de gens suivent et écoutent. Et à l'époque de Cheikh Ibn Baz, de Cheikh Ibn Uthaymin, ils étaient souvent invités à cette émission, où ils commencent par une petite allocution et par la suite ils répondent aux questions qui leur sont posées. Donc Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, anime également cette émission. Sans parler des livres qu'il a écrits et des livres dans lesquels il a donné ou il a écrit des introductions, ou dans lesquels Cheikh a donné son accord ou a soutenu les livres, sont en grande quantité. Quant à ses shuyukh, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, a eu beaucoup de mashayikh. Parmi ces mashayikh, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, Cheikh Abdullah Ibn Humayd, rahimahullah, de même qu'il y a Cheikh Mohamed Al-Amin Al-Shinqiti, rahimahullah, qui était un des professeurs de Cheikh Al-Fawzan. Pareil pour Cheikh Abdurrahman Abdurrazzaq Al-Afifi. Tous ceux-ci font partie des grands savants d'Arabie Saoudite. De même que Cheikh Saleh ibn Abdurrahman Al-Sukaiti, il y a aussi Cheikh Mohamed ibn Subayl, qui est l'imam de la Mecque, qui est un des professeurs de Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala. Et beaucoup ne connaissent pas la valeur de Cheikh Mohamed Al-Subayl. Cheikh Mohamed Al-Subayl est vraiment fait partie des savants d'Arabie Saoudite et fait partie des mashayikhs qui ont un très haut niveau dans la science. Même si les petits détails, en islam on ne regarde pas la taille de la personne, les personnes peuvent être très petites de taille mais ont une grande importance en islam, et beaucoup de mashayikhs étaient petits de taille. Naam, Cheikh Mourouil était petit de taille, Cheikh Ibn Baz aussi, Cheikh Ibn Uthaymin aussi était petit de taille, rahimahumullah jami'a. Et Cheikh rahimahullah a écrit beaucoup de livres, comme je l'ai dit, des livres qui sont diffusés partout dans le monde. Les plus connus, il y a l'Irshad et la Sahih al-Atiqad, qui est un livre sur l'Aqida, sur le Tawhid. Il y a Sharh al-Aqida al-Wasatiyya. Il y a dans le Fiqh, al-Mulakhas al-Fiqhi. Al-Mulakhas al-Fiqhi, où Cheikh a rassemblé tous les chapitres du Fiqh et a donné les jugements de façon succincte. Et beaucoup d'autres livres que Cheikh Hafidhahullah a donné. Et il y a aussi beaucoup de cours audio de Cheikh Hafidhahullah Ta'ala. Il a expliqué le livre qu'on est en train qu'on va étudier, bi'inillah, qui est Sharh al-Mu'at al-I'tiqad, qui à la base est une explication audio de Cheikh qui a été recopiée et dans laquelle Cheikh a donné son accord. Dans laquelle Cheikh a donné son accord pour diffusion. Il a également expliqué Nouniyat ibn Qayyim, il a expliqué Mandumat al-Adab en 16 cassettes, il a expliqué Umdat al-Ahkam en 11 cassettes, il a expliqué Al-Usul al-Talata, il a expliqué Al-Aqid al-Tahawiyya, il a expliqué Kashf Shubuhat en 9 cassettes, il a expliqué Al-Aqid al-Wasitiyya en 31 cassettes. Il a expliqué Nawaqid al-Islam en 5 cassettes. Il a expliqué Bulugh al-Maram en 168 cassettes. Il a expliqué Zad al-Mustaqni' en 69 cassettes. Il a expliqué Qurat al-Uyun al-Muwahidin en 60 cassettes. Et beaucoup d'autres cours et livres que Cheikh Hafidhullah a expliqué, sans compter les conférences qu'il a pu donner ou les cours qu'il a donné sur un thème bien précis. Tout ceci, vous pouvez le retrouver dans le site de Cheikh Al-Fawzan Hafidhullah Ta'ala, qui est Al-Fawzan A-L-F-A-W-Z-A-N .ws qui est le site de Cheikh Al-Fawzan Hafidhullah Ta'ala, où vous pouvez retrouver ses livres, où vous pouvez retrouver ses khutab Jumu'ah, mais également tous ses cours audio qu'il a pu donner. طيب يقول المؤلف وهو ابن قدامة المقدسي دونك ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى جي قال الشيخ العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم دونك الشيخ العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي قال الله يفاس ميزيكورد أجي دون سون ليفغ لمعة الاعتقاد Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc Cheikh Al-Fawzan explique et dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fahadihi al-aqidatu al-musamma bi lum'ati al-i'tiqad al-hadi ila sabili al-rashad. Wa muallifuha huwa al-imamu Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudama al-Hanbali من كبار شيوخ المذهب الحنبلي. Donc Cheikh Al-Fawzan, حفظه الله, dit louange à Allah, le Seigneur des mondes, et que le salut soit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur l'ensemble de ses compagnons. Ceci est al-aqida et la croyance appelée lum'atul i'tiqad, à la lumière de la foi, Al-Hadi ila Sabil al-Rashad, qui guide vers le chemin de la droiture. Vers le chemin de la droiture. Et son auteur est l'imam Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudama al-Hanbali, qui est Hanbali, c'est-à-dire qui suit le madhab Hanbali et qui fait partie des plus grands shuyukh du madhab al-Hanbali. Il fait partie des plus grands shuyukh du rite Hanbalite. وله مؤلفات في الفقه et il a beaucoup d'ouvrages dans le fiqh والأصول وغيرها له من المؤلفات في الفقه عمدة الفقه مختصر ثم المقنع وهو أكبر من العمدة وأبسط ثم الكافي وهو أوسع من المقنع ثم المغني وهو الكتاب المشهور والموسوعة العظيمة في الفقه اشتمل على كثير من فقه السلف والمذاهب الأربعة بأدلتها ثم يرجح القول الراجح في الغالب في هذا الكتاب الذي صار مرجعا من مراجع الفقه الإسلامي. Et Ibn Qudama رحمه الله a beaucoup d'ouvrages, que ce soit dans le fiqh ou autre que le fiqh. Parmi ces ouvrages dans le fiqh, il y a Umdatul Fiqh, qui est un livre, on va dire, résumé, Mukhtasar. Puis, il a écrit Al-Muqni', qui est plus grand que Al-Umdah, mais qui donne plus de détails. Thumma Al-Kafi, puis il a écrit Al-Kafi, qui est plus grand que Al-Muqni'. Puis, il a écrit Al-Mughni, qui est le livre connu. Et, si on peut dire ça, un livre, c'est plus de 23 volumes, si mes souvenirs sont bons. Il y a énormément de volumes dans ce livre Al-Mughni, qui est un livre uniquement dans le fiqh, qui est un livre écrit uniquement dans le fiqh, qui ramène ou qui rapporte beaucoup de paroles des salafs, beaucoup des paroles des quatre imams. Et la particularité de ce livre, c'est que l'imam Ibn Qudama donne l'avis le plus sûr selon lui, donne l'avis qui selon lui est le plus proche de la vérité. Et c'est un livre qui est reconnu mondialement, et c'est un livre dans lequel reviennent beaucoup de savants. Dans lequel reviennent beaucoup de savants, au point que certains disent que si tu es confronté à une problématique dans le fiqh, que tu ne trouves pas dans le Mughni, ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Et c'est vraiment un livre qui fait partie des livres très importants en islam, en lequel, qui est énormément utilisé par nos savants. وله في الأصول روضة الناظر وجنة المناظر. Et dans الأصول, dans أصول الفقه, il a un livre روضة الناظر وجنة المناظر. وله غير ذلك من المؤلفات في الوعظ. Il a également d'autres livres dans الوعظ, dans le conseil, dans l'exhortation. وفي سائر الفنون العلمية, et dans tous les autres aspects de la science. فهو إمام جليل. C'est un grand imam. ومن مؤلفاته في العقيدة هذه الرسالة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. Et parmi ses ouvrages dans la عقيدة, dans la croyance, il y a ce livre appelé لمعة الاعتقاد, à la lumière de la foi, qui guide vers le chemin de la droiture, الهادي إلى سبيل الرشاد. Puis الشيخ الفوزان حفظه الله dit: فقد اهتم العلماء رحمهم الله ومنهم هذا الإمام في توضيح العقيدة الصحيحة ونفي ما علق بها من الشبه والتشكيكات لحاجة الناس إلى ذلك. Et les savants de l'islam, qu'Allah leur fasse miséricorde, et parmi eux cet imam, donnait beaucoup d'importance au fait de montrer et d'expliquer la vraie croyance, et de montrer également tout ce qui vient la contredire et vient éliminer toutes les ambiguïtés et tous les doutes qui pourrait venir s'intercaler entre les gens et cette croyance véridique, car les gens ont besoin de ceci. Les gens ont besoin qu'on leur montre la vérité, mais également qu'on les mette en garde et qu'on leur explique les ambiguïtés qui pourraient les dévier du droit chemin. خصوصاً بعدما ظهرت الفرق الضالة بعقائدها وشبهاتها. Et ceci, d'autant plus lorsque sont apparus en islam ces groupes égarés qui nous apportent des croyances fausses et qui ne se contentent pas d'apporter uniquement ces croyances fausses, mais entourent toutes ces croyances d'ambiguïté qui peuvent dévier le musulman. احتاج العلماء إلى أن يبينوا العقيدة الصحيحة وأن يردوا على من خالفها وهذا من قديم الزمان والعلماء مهتمون بأمر العقيدة. Et c'est pour cela, que les savants ont eu besoin d'expliquer la vraie croyance et de répondre à tous ceux qui voudraient la contredire. Et ceci est connu depuis la première époque de l'islam, que les savants donnent de l'importance à la croyance. فألفوا فيها المؤلفات الكثيرة من المتقدمين ومن المتأخرين تحت أسماء مختلفة. Et les savants de l'islam de toute époque ont écrit de nombreux ouvrages, sur cette croyance, et ils ont donné à ces ouvrages plusieurs noms. منهم من يسمي كتب العقيدة بكتب الستة بكتب السنة مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل وكتاب السنة للخلال وكتاب السنة لابن أبي عاصم. Certains parmi ces savants ont appelé les livres qu'ils ont écrits dans la Aqida le livre de la Sunna. Le livre de la Sunna, ils veulent dire par là le livre de la Aqida, de la croyance, comme le livre, comme a dit Cheikh Al-Fawzan parmi ses exemples, le livre de la Sunna de Abdullah ibn Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Le livre de la Sunna qu'a écrit Abdullah le fils de Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, ou bien le livre As-Sunnah de Al-Khallal, ou bien le livre de la Sunnah de Ibn Abi Asim. ومنهم من يسميها الشريعة مثل كتاب الشريعة للأجري. Et d'autres l'appellent le livre de la législation, comme le livre de la législation de Al-Imam Al-Ajuri. ومنهم من يسميها الأصول مثل كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي إلى غير ذلك. Et d'autres savants ont appelé ces ouvrages le livre des bases, comme le livre la base de la croyance, ou les bases de la croyance des gens de la Sunna de l'imam al-Lalakai. ومنهم من يسميها بالتوحيد مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب التوحيد لابن مندي وكتاب التوحيد لشيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم ابن منده منده سبابده نعم منده منده نعم نعم ابن منده كتاب التوحيد لشيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب تجريد التوحيد للإمام العلامة المؤرخ المقريزي المقريزي Et d'autres savants l'ont appelé le livre du Tawhid, le livre de l'unicité, comme le livre du Tawhid de l'imam ibn Khuzayma, ou bien le livre du Tawhid de l'imam ibn Mundir, ou bien le livre du Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, ou bien Tajrid al-Tawhid de l'imam al-Allama al-Muarrikh al-Maqrizi. Ou bien il y a un homme qui al-Aqidah ou l'I'tiqad, مثل كتاب العقيدة للطحاوي المسمى بالعقيدة الطحاوية ومثل العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ومثل هذا الكتاب لمعة الاعتقاد. Et d'autres savants l'ont appelé le livre de la aqida, de la croyance, comme le livre al-aqida de l'imam al-tahawi qui est connu par al-aqidatu al-tahawiya. Et d'autres livres comme al-aqidatu al-wasitiyya de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et également ce livre qui est appelé Lum'at al-i'tiqad à la lumière de la croyance. Donc ici Cheikh rahimahullah montre que les savants de toute époque ont donné beaucoup d'importance à l'écriture des ouvrages sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon précise mais dans la croyance de façon générale. Et que les savants, en fonction des époques dans lesquelles ils ont vécu, ont appelé ces livres ou leur ont donné des titres différents, mais le contenu reste le même. Le contenu reste le même lorsque tu lis Kitab Sunnah de l'imam de Abdullah ibn l'imam Ahmed, tu verras que c'est un livre de Aqidah. Que c'est un livre de Aqidah. طيب يقول الشيخ الفوزان Puis Cheikh Fawzan explique les termes du titre Lum'at al-i'tiqad. Wa al-lum'a min al-lum'an wa huwa ash-shay'u alladhi lahu nur wa lahu lam'an fa hiya lum'atun bi ma'na annaha talma' wa tunir bi khilaf adh-dhulma wa munasabatu tasmiyatiha bil lum'a min ajli al-farq baynaha wa bayna al-kutub al-mughlima allati tushakkiku an-nasa fi 'aqa'idihim. Donc al-lum'a signifie qui vient de al-lum'an, qui signifie quelque chose qui donne de la lumière. C'est-à-dire, c'est comme une lanterne qui éclaire. Et elle éclaire contrairement à ceux qui assombrissent. Cette lanterne éclaire contrairement aux autres qui, lorsqu'ils apportent des croyances fausses, assombrissent les gens. Et ce livre a été appelé Al-Lum'a, la lanterne, min ajli al-farqi baynaha wa bayna al-kutub al-mughlima. Ceci pour différencier ce livre des livres qui assombrissent, car ils sont pleins d'ambiguïté qui donnent le doute aux gens dans leur croyance. Un livre qui met des doutes aux gens et aux musulmans en général. Ce n'est pas un livre qui éclaire, mais c'est un livre qui assombrit et qui met les gens dans les ténèbres de l'ignorance et de l'égarement. Quant à la vérité, c'est de la lumière qui éclaire et qui montre aux gens la voie véridique à suivre. فالاعتقاد والإيمان بمعنى واحد. Et l'i'tiqad, la croyance, signifie la certitude qui ne laisse aucun doute que croit le cœur. ويسمى بالإيمان. Et la croyance est aussi appelée la foi. La croyance est aussi appelée la foi. فالاعتقاد والإيمان بمعنى واحد. La croyance et la foi ont le même sens. ولهذا يقول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان قال الإيمان وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. C'est pour cela que Jibril عليه السلام a dit au prophète صلى الله عليه وسلم informe-moi sur la foi. Et le prophète صلى الله عليه وسلم lui a répondu: la foi, c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés, au jour du jugement, et de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais, comme cela est rapporté dans le hadith de Omar al-Khattab radhiyallahu anhu, apporté par Muslim dans son sahih. وهذه أصول الاعتقاد وتسمى أركان الإيمان. Et ces points qu'a cités le prophète صلى الله عليه وسلم sont les bases de la croyance, mais elles sont aussi appelées les piliers de la foi. Elles sont aussi appelées les piliers de la foi. فلمعه الاعتقاد معناها بيان الاعتقاد الصحيح الذي يجب الالتزام به وترك ما سواه. فلمعه الاعتقاد, donc لمعه الاعتقاد signifie le fait de montrer la croyance véridique qu'il est obligatoire à chacun de suivre et de délaisser toute autre croyance. La vérité est unique. La vérité est unique et la croyance véridique est unique. Donc le musulman se doit obligatoirement de suivre cette croyance et toute autre croyance, tu dois la délaisser. Al-Hadi ila sabil al-Rashad ay al-Murshid. Et cette croyance véridique guide. الجد والرشاد ضد الغي والضلال. Guide vers le chemin de la droiture. Et la droiture, c'est le contraire de l'égarement et de la déviation. فهذا الاعتقاد يهدي إلى الطريق الصحيح الموصل إلى الله بخلاف عقائد أهل الضلال فإنها تهدي إلى الهلاك وإلى الغواية وإلى الغواية. Donc, la vraie croyance guide vers le chemin droit qui amène à Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à toutes les croyances fausses des gens de l'égarement, car celle-ci emmène les gens vers la perdition. On a fait bihad al-qadr, wa nukmil ba'da as-salah, inshallah. Quand on dit Al-Sharif, on parle de Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah. Et quand on dit Qala Al-Mu'allif, on parle de l'auteur qui est Ibn Qudam Al-Maqdisi. Qala Al-Sharif, Bada'a rahimahullahu kitabahu bi bismillahirrahmanirrahim. Amalam bis sunnah fi anna bismillahirrahmanirrahim yubda'u biha fi kulli amrin dhibal. Ya'ni fi kulli amrin lahu sha'nun wa ahamiyah. يبدأ بها بالنطق ويبدأ بها في الكتابة كما بدأ الله كتابه القرآن الكريم بها وبدأ بها كل سورة من القرآن الكريم وكما كتبها سليمان عليه السلام في كتابه إلى بلقيس ملكة سبأ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Donc l'auteur dit, plutôt l'explicateur qui est Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah, dit: l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a commencé son livre en disant Bismillahirrahmanirrahim, et ceci en application de la sunna qui est de commencer par Bismillahirrahmanirrahim tout acte qui a une importance et qui a une valeur. Yani, et ici, il référence à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il est dit kullu amrin lam yubda bihi kullu amrin dhiba lam yubda bihi bi bismillahir rahmanir rahim fa innahu na'am khajalun aw kama qala sallallahu alayhi wa huwa abtar wa fi riwayah fa huwa aqta' fa huwa khidaj wa fi riwayah fa huwa aqta' فِي رِوَيَةٍ فَهُوَ أَبْتَرٌ. يعني celui qui ne commence pas un acte par Bismillahir Rahmanir Rahim, son acte est amputé ou est diminué. Et ce hadith, selon l'avis de le plus sûr des savants, c'est que c'est un hadith qui est faible. Mais cela ne remet pas en cause le fait qu'il est légiféré de commencer des actes, surtout les actes importants, par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala a commencé son livre par... Yani, on doit commencer par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim quand on commence quelque chose, que ce soit la parole que l'on prononce, c'est-à-dire le fait de prononcer Bismillah ar-Rahman ar-Rahim lorsque l'on commence un cours ou autre, ou bien de décrire la basmala lorsque la personne écrit un ouvrage. Kama bada Allah ou comme Allah azza wa jalla a commencé son livre par la basmala, et comme chaque sourate du Coran commence par la basmala qui est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et comme a écrit Sulayman alayhi salam dans le livre qu'il a envoyé à Balqis, la reine de Saba, elle a dit, comme Allah Azza wa Jalla nous en informe dans Surat An-Nam, Surat les fourmis, versets 29 et 30, قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. Lorsqu'elle a parlé aux personnes qui étaient en sa présence, elle leur a dit qu'il m'a été envoyé un livre saint. إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانِ Il provient de Sulayman. وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Et il a été entamé, c'est-à-dire cette lettre a été entamée, ou ce livre a été entamé par بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَهِيَ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لِأَنَّهَا نَزَلَتْ مَعَ الْقُرْآنِ فَهِيَ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ Et بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ fait partie, ou est un verset parmi les versets du Coran. لكنها آية مستقلة على الصحيح إلا في سورة النمل فإنها بعض آية. Donc selon l'avis de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est un verset du Coran à part entière. Est un verset du Coran à part entière qui vient ouvrir chaque sourate du Coran hormis sourate At-Tawbah, sourate le repentir, qui ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sauf dans sourate An-Naml, où Bismillah ar-Rahman ar-Rahim n'est pas un verset à part entière, mais fait partie d'un verset. Mais fait partie d'un verset qui est celui qu'on a cité auparavant, Innahu min Sulayman wa innahu Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il provient de Sulayman et il commence par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. إلا في سورة النمل فإنها بعض آية وإلا فهي آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور. Donc ici, Cheikh dit que la basmala ne fait pas partie de sourate al-Fatiha, mais est un verset à part entière. ولا من غيرها من السور وإنما تقرأ قبل السورة ليست من سورة معينة إلا في النمل فهي بعض آية وقوله بسم الله الجار والمجرور متعلق بمقدر تقديره أستعين ببسم الله أو أتبرك ببسم الله والاسم مأخوذ من السمو وهو الارتفاع من السمو وهو الارتفاع أو من السمة وهي العلامة وهو ما يتميز به الشيء فإن الله عز وجل وضع الأسماء وعلمها آدم كما قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها أسماء الأشياء فكل شيء له اسم يتميز به. Et la parole d'Allah عز وجل بسم الله, par le nom d'Allah. Et il y a ici un sens caché. Lorsque l'on dit bismillah, il y a un sens caché qui veut dire astaïnu bismillah, c'est-à-dire je demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers son nom. Lorsque tu dis bismillah ar-Rahman ar-Rahim ou bismillah avant d'écrire, yani le bismillah signifie que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider à travers son nom, de t'aider à travers son nom. والاسم مأخوذ من السمو وهو الارتفاع. Et le terme ism en arabe vient du mot السمو qui signifie l'élévation, quelque chose de haut. Ou min al-sima, ou qui provient du mot al-sima, qui signifie un emblème ou un signe. Wa huwa ma yatamayyazu bihi shay. Et c'est la chose, ou c'est ce qui caractérise une chose. Donc un nom en arabe, c'est ce qui caractérise une chose. Fa inna Allah wada al-asma. Allah subhanahu wa ta'ala a défini les noms, wa 'allamaha Adam, et les a enseignés à Adam alayhi salam. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Et Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné à Adam alayhi salam tous les noms. Chaque chose a un nom, et Allah azza wa jal a enseigné chaque nom à Adam alayhi salam. Asma' al-ashya' fa kullu shay'in lahu ismun yatamayyazu bih. Toute chose a un nom qui le différencie et qui le caractérise des autres choses. Donc un nom en arabe, c'est ce qui caractérise une chose. Wa qawluhu bismillah ismun mudaf wallahu ismun mudaf wallahu mudafun ilayh wal muradu jami'u asma'illah. Lorsque tu dis bismillah par le nom d'Allah, c'est-à-dire par tous les noms d'Allah. Par tous les noms d'Allah, par l'ensemble des noms d'Allah. لأن المفرد إذا أضيف فإنه يعم. Car ici, le nom est indéfini. Il n'est pas défini. Et une chose qui est ajoutée à une autre ou qui est attribuée à une autre, lorsqu'elle est indéfinie, elle veut dire toutes ces choses. Bismillah, par le nom d'Allah, c'est indéfini. Donc cela signifie par tous les noms d'Allah. فقوله بسم الله أي بجميع أسماء الله أستعين بها وأتبرك بها. Donc lorsque tu dis bismillah, c'est-à-dire que par l'ensemble des noms d'Allah, je demande l'aide, et par l'ensemble des noms d'Allah, je demande la bénédiction. وأسماء الله كثيرة لا يعلمها إلا الله. Et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont extrêmement nombreux, et ne connaît le nombre de ces noms que Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit Allah azza wa jal, wa lillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. À Allah appartient les noms les plus beaux, invoquez-le par ces noms. Wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi, et délaissez ceux qui changent ou qui dévient dans les noms d'Allah. Sayujzawna ma kanu ya'malun, ils seront récompensés par ce qu'ils faisaient. Wallahu, donc les noms d'Allah Azza wa Jal sont, seul Allah subhanahu wa ta'ala les connaît dans leur totalité. Pour cela que on voit l'erreur de ceux qui restreignent le nombre d'Allah subhanahu wa ta'ala à 99. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont beaucoup plus nombreux que 99. Qui connaît la preuve de cela? Non. C'est le professeur Salam Inoral. Allah va lui accorder l'intercession et il va lui apprendre des noms qu'il ne connaissait pas. Allah Alam, je ne sais pas ça. Il y a une invocation que le professeur Salam disait qui nous prouve que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont innombrables et que seul Allah Azza wa Jal connaît leur quantité. Naam. Allahumma, une invocation que le professeur Salam avait l'habitude de dire, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Oh Allah, je te demande par tous les noms qui t'appartiennent. Sammayta bihi nafsak, que tu as attribué à toi-même, ou anzaltahu fi kitabik, ou bien que tu as révélé dans ton livre, ou allamtahu ahadan min khalqik, ou bien des noms que tu as enseigné à certaines de tes créatures, ou ista'tharta bihi fi ilmi al-ghayb indak, ou bien que tu as gardé secret dans le monde invisible, ou que tu as gardé secret dans le monde invisible. Il y a donc des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont dans le monde de l'invisible et que personne d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît. Autrement dit, on ne peut pas les restreindre à 99. Ceci est une erreur. Non. Le nom aussi du djinn de Suleiman qui a dit qui a invoqué Allah d'un nom parfait d'Allah. نعم. Il est cité ou? أو علمته أحدا من خلقك. Il rentre dans la parole du professeur sallam, ou bien les noms que tu as enseignés à une de tes créatures. Et les djinns sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. والله علم على الذات المقدسة لا يسمى بهذا الاسم إلا هو سبحانه وتعالى. Et Allah, c'est un emblème qui caractérise l'essence divine. C'est un nom qui caractérise l'essence divine et personne ne doit être appelé Allah sauf Allah سبحانه وتعالى. فلا يطلق هذا الاسم ولا في فاسا ولا في لا page 23 vous l'avez. فلا يطلق هذا الاسم الله الا عليه لان الله من الالوهيه. Le nom Allah ne doit être utilisé que pour Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah provient de al-uluhiyyah. Ça vient du terme, du verbe alaha, qui veut dire adorer. Et Allah, c'est al-ma'louh. Allah, c'est celui qui est adoré. Donc, tu ne peux pas appeler quelqu'un d'autre qu'Allah, Allah. Wa hiya al-ubudiyya, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa al-ma'boud subhanahu wa ta'ala al-ma'louh alladhi ta'lahuhu al-qulub wa tuhibbuhu ijlalan wa ta'zima. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui mérite le seul d'être adoré, et c'est celui que les cœurs adorent et vénèrent, et c'est lui uniquement que les cœurs doivent aimer et vénérer. Ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman ar-Rahim. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Qal al-Sharih ismani. من أسمائه سبحانه وتعالى يتضمنان الرحمة والرحمة صفة من صفاته سبحانه وتعالى تليق بجلاله والرحمن أيضا لا يسمى به إلا الله وأما الرحيم قد يسمى به بعض الخلق كما في قوله تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم concernant الرحمن الرحيم. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ce sont deux noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui signifient la miséricorde ou qui comportent la miséricorde. Wa rahma, et la miséricorde, est une des caractéristiques ou un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le seul à les détenir ou à la détenir. Wa rahmanu أيضا لا يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى. Et le nom Ar-Rahman, seul Allah subhanahu wa ta'ala doit être nommé ainsi. Seul Allah subhanahu wa ta'ala doit être nommé par Ar-Rahman. أما الرحيم قد يسمى به بعض الخلق. Quant au terme Rahim, des êtres humains ou des créatures peuvent être appelés Rahim, comme cela est cité dans le Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit parmi les caractéristiques de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ. Un prophète est venu parmi vous, عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ. Le dérange ceux qui vous dérangent, عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَلِيصٌ عَلَيْكُمْ. Et il a la volonté et la motivation de vous guider, bil mu'minina ra'ufun rahim, et il est envers les croyants doux et miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala parle de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il le décrit comme étant doux et comme étant miséricordieux. Donc on dit de ce verset qu'il est autorisé à quelqu'un de s'appeler rahim, comme il est autorisé à quelqu'un de s'appeler karim, d'accord, etc. Quant à Rahman, c'est un nom qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Rahmanu a'ammu min ar-Rahim. Lianna ar-Rahmana rahmatun 'amatun li jami'il makhluqat. Wa amma ar-Rahim fa huwa rahmatun khassatun bil mu'minin, kama fi qawlihi ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Et ar-Rahman est un terme qui est plus vaste que Ar-Rahim, car Ar-Rahman signifie celui qui accorde une miséricorde générale à l'ensemble des créatures. Quant à Ar-Rahim, c'est une miséricorde qui est propre aux croyants, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, « Wa kana bil mu'minina rahima » et il est envers les croyants miséricordieux. Qui, Allah subhanahu wa ta'ala, est rahim envers qui? Envers al-mu'minin. Donc, c'est une caractéristique ou c'est une miséricorde qui est propre aux croyants et à personne d'autre. Quant à la miséricorde générale, elle entre ou elle intervient dans le sens du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Ar-Rahman. Fahuma ismani azimani yatadammanani wasfa Allah tabaraka wa ta'ala bir-rahma ala ma yaliq bi jalalihi subhanahu wa ta'ala. Ce sont donc deux noms qui sont immenses et qui contiennent le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est caractérisé par une miséricorde qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala. ثم بدأ بالحمد بعد بسم الله الرحمن الرحيم فقال الحمد لله وهذا أيضا من السنة أن يبدأ الكلام بالحمد بالحمد لله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وكما بدأ الله كتابه به الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة. Puis l'explicateur Cheikh Al-Fawzan Hafidallah dit: puis l'auteur a commencé par la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala après avoir cité Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et l'auteur a dit Alhamdulillah, la louange appartient à Allah. Wahada, et ceci fait partie également de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de commencer sa parole par la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme avait l'habitude de le faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme l'a fait Allah azza wa jal dans le Coran lorsqu'il a commencé Sourate al-Fatiha par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la louange, louange à Allah, le Seigneur des mondes. Walhamdu ma'nahu al-thana'u fallahu jalla wa ala yuthna alayhi wa yuhmadu li dhatihi wa li asma'ihi wa li sifatihi wa li af'alihi jalla wa ala. Et Alhamdu, la louange, signifie l'éloge, signifie l'éloge, car Allah subhanahu wa ta'ala on doit lui faire les éloges, et Allah subhanahu wa ta'ala est remercié et doit être remercié pour ses noms, ses attributs et tous ses actes, par ses noms, ses attributs et tous ses actes, car les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont issus de caractéristiques, de caractères d'Allah Azza wa Jal. Et ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont ressentis chez l'être humain directement. Allah subhanahu wa ta'ala est appelé Ar-Rahman. De Rahman en découle Ar-Rahma, la miséricorde. Et de la miséricorde en découle Naam, en découle l'entrée au paradis. Est-ce que quelqu'un peut rentrer au paradis sans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses noms et attributs, car leurs effets sont ressentis directement chez les créatures. Vous avez compris ou pas? Taïd. Wa qawluhu alhamdu al-alif wal-lam lil-istighraq ay jami'u al-mahamid lillahi azza wa jal فهو المستحق للحمد على الإطلاق والحمد أعم من الشكر لأن الشكر يكون على الأفعال فقط وأما الحمد فيكون على أوسع من ذلك على الذات وعلى الأسماء والصفات والأفعال. Et الحمد est précédé de alif et de lam qui définit, qui montre que c'est un nom défini, c'est-à-dire que l'ensemble des louanges doivent être adressées à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est le seul qui mérite d'être loué subhanahu wa ta'ala. Et alhamdu a'amu min ash-shukr, et la louange est plus vaste que le remerciement. لأن الشكر يكون على الأفعال فقط. لأن الشكر يكون على الأفعال فقط. وأما الحمد فيكون على أوسع من ذلك على الذات وعلى الأسماء والصفات والأفعال. La louange est plus vaste que le remerciement, car le remerciement du serviteur envers son Seigneur a lieu après les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde une science bénéfique, cette science tu l'as eue car Allah subhanahu wa ta'ala te l'a accordée. Donc c'est un acte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de cet acte-là, tu le remercies. On parle de remerciement car tu remercies un acte d'Allah subhanahu wa ta'ala en ta faveur. Quant à l'hamd, il est plus vaste que cela car tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms ou pour ses noms, ses attributs et ses actes. Car on a vu que l'hamd, la louange, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie l'éloge. Donc, quand tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala sur ses noms, ses attributs et ses actes, tu fais sa louange. Tu fais sa louange. Et la louange englobe à la fois les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la fois ses attributs, mais aussi ses actes. Quant au remerciement, il n'est fait que suite aux actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait en ta faveur. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك